France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Chaque mois, la 42e rue de France Musique laisse les commandes de la programmation à un artiste, un réalisateur, un auteur dont le péché mignon est la comédie musicale. Bonjour Alex Baupin. Bonjour. Merci de vous être réveillé tôt ce matin. Pour être avec nous en direct à France Musique. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. On vous doit, avec Christophe Honoré en 2007, une renaissance du film musical et chanté en France avec les chansons d'amour, avec Louis Garrel, Ludiville Sagné, Chiara Mastroianni. Depuis, vous avez signé d'autres chansons pour d'autres films plus ou moins chantés, notamment de Christophe Honoré, Les Bien-Aimés ou Les Malheurs de Sophie. Et puis surtout cette semaine, maintenant, vous passez à la mise en scène de théâtre avec votre premier spectacle intitulé Les gens dans l'enveloppe, inspiré du livre de votre amie d'enfance Isabelle Monin, dans lequel elle inventait une histoire à partir de photographies d'une famille qu'elle avait achetée sur eBay. Alors merci de partager en direct avec nous votre goût pour le film musical ou la comédie musicale. Je vous entendais, vous étiez en train de commenter le programme à venir de France Musique. C'est vrai que chez vous, il y avait 6 postes qui diffusaient France Musique. C'est vrai. C'était mon père qui écoutait France Musique toute la journée. Ce qui pouvait rendre ma mère un peu folle parce que on adore France Musique, mais il y a des moments où c'est plus ou moins facile à écouter, c'est tant mieux. Et mon père, dès 9h du matin, était branché sur France Musique, effectivement. Et c'était de temps en temps, il se mettait au casque parce que pouvait pas. Et puis, mais bon, en même temps, chez moi, il y avait aussi un piano, il y avait une guitare, enfin, il y avait beaucoup de musique. On était une famille où ça chantait, ça jouait, ça en écoutait. Voilà. Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans rancune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une. Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère, vois comme tu te couches. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi, traversez-moi la belle affaire, embrassez-vous sur moi. Je n'aime que toi. Tu mets les doigts. D'où viennent ces odeurs étrangères? Sûrement pas de moi. Petite garce, va donc te faire. Tu n'es pas moins farouche. Non, tu n'es pas moins adultère. Vois comme elle te touche. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Me passer dessus, la bonne affaire. M'enjamber, pourquoi pas? Je n'aime que toi, toi, toi, toi, toi, toi. Je n'aime que toi. Petit salaud, qui tu préfères? Qui tu veux, fais ton choix. Le bon vieux temps, la nouvelle ère. C'est elle ou moi? Petite garce, qui je préfère? Tu le sais mieux que moi. Je préfère que tu sois légère à la guerre à trois. Je suis le pont sur la rivière, vos guerres me laissent de bois. Piétinez-moi, que puis-je faire? Je ne bouge pas de là, là, là, là, là. Je n'aime que toi. Là, là, là, là, là. Je n'aime que toi. Là, là, là, là, là. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morgen. Guten Morgen. Good morning to you. On ne pouvait pas ouvrir cette 42e rue sur France Musique sans se souvenir de ce que vous avez apporté au film musical. Alex Baupin avec les chansons d'amour, il y a maintenant 10 ans, c'était Louis Garrel pour ouvrir cette émission. Ludivine Sagnier, Clotilde M, qui fera partie de votre spectacle d'ailleurs oui. Cette semaine. Je n'aime que toi. Et puis à l'instant, extrait de Chantons sous la pluie, votre premier choix, Good Morning. Oui. Vous chantez en même temps que vous entendez la musique, c'est pratique. Surtout en entendant les passages instrumentaux, j'ai le souvenir des chorégraphies, parce qu'il y a une chorégraphie extraordinaire, ils sont trois, c'est Debbie Reynolds, Donald O'Connor et Gene Kelly, évidemment, qui dansent là-dessus. C'est quand ils ont l'idée dans le film qu'ils vont faire doubler, ils inventent le doublage, en fait. C'est formidable, parce que, évidemment, tout le monde le sait, J'entends sous la pluie, ça se passe au moment de l'avènement du cinéma parlant. Et, j'aurais pu choisir Chantons sous la pluie ou même Make 'em All Off, mais, le numéro est peut-être un peu moins connu, même s'il est extrêmement célèbre. Et c'est le film, moi, qui m'a fait aimer la comédie musicale américaine, et c'est mon préféré, je crois. C'est peut-être le plus classique, c'est peut-être le plus abouti. Comme c'est sans doute ce que Rio Bravo est au western, je crois que Singing in the Rain, c'est ça, c'est la comédie musicale américaine. C'est vrai que c'est la première comédie musicale que vous avez vue au cinéma ? Oui, pas au cinéma, non. Pas au cinéma, à la télévision, ouais. Évidemment. Non, la première que j'ai vue au cinéma, on en parlera peut-être plus tard. Mais non, ça c'est la première comédie musicale américaine que j'ai vue à la télévision. Vous aviez quel âge ? J'imagine une dizaine d'années. Ouais. Et ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire que c'est un film que je suis incapable de ne pas voir en entier à partir du moment où je le commence. Il y a des livres ou des films comme ça. On commence puis on se dit ça va, on connaît par cœur. Et celui-là, je vais systématiquement jusqu'au bout. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, en fait. Je sais pas comment. Je trouve que tout est abouti dans le film. Et puis j'ai un autre truc, c'est qu'il y a deux grands, quand même, de la comédie musicale des années 50. Ce sont Gene Kelly et Fred Astaire. Et j'avoue avoir, moi, une petite préférence pour Gene Kelly, qui est peut-être moins chic, mais plus athlétique. Et j'aime ça chez lui, en fait. Vous vous identifiez à Gene Kelly à l'âge de 10 ans, à votre avis, à son cool, à sa cool attitude athlétique, hein? Non, je danse beaucoup trop mal. Et puis je suis pas suffisamment athlétique et sportif, justement, pour m'identifier à lui. Mais j'aurais aimé ça être lui. Ça m'aurait fait plaisir, oui, évidemment. Alors, second choix, ce matin, Alex Baupin, Victor Victoria, 1982, un film de Blake Edwards avec Julie Andrews. Pourquoi ce choix? Et pourquoi cette chanson, You and Me? J'aime bien le moment, j'aime beaucoup Mancini en fait. Moi j'ai une grande admiration pour Henri Mancini, qui est le compositeur attitré de Blake Edwards. Ils ont pas fait beaucoup de comédies musicales ensemble. De temps en temps, il y a des chansons comme Moon River dans Breakfast at Tiffany's, évidemment. Pourquoi cette chanson? Parce que j'aime bien ce moment. En fait, moi j'aime bien les films musicaux, il va y en avoir énormément, qui sont des films sur l'univers du spectacle. Et là, on est dans un moment du film où Julie Andrews, qui fait semblant d'être un homme qui chante travesti en femme, chante dans un cabaret où elle est invitée, un peu à l'improviste soi-disant, une chanson avec le maître des cérémonies du cabaret, quoi. Et bon, bah là on va juste entendre la musique, mais le moment est assez... Bah, j'aime bien ce genre de moment qui raconte le spectacle aussi, quoi, parce que ça arrive dans l'industrie du spectacle que tout d'un coup on soit invité pour venir chanter avec quelqu'un, et ça raconte bien d'autres choses. Le film, évidemment, il raconte de façon tellement formidable une histoire de confusion des genres et des sexes qui reste aujourd'hui assez moderne au regard de choses qui sont faites et qui sont beaucoup moins subtiles. Et le film, vous l'aviez vu à sa sortie en 82? Non. Non, non, le film, je l'ai vu pareil à la télévision à l'âge de 15 ans, je pense, à peu près. Et pareil, j'avais été ébloui par le film. J'avais été ébloui parce que ça racontait surtout, il y a une grande audace. Comme souvent chez Blake Edwards, hein, qui n'hésitait pas sur la confusion des genres, c'est quand même sans doute, avec Billy Wilder sur certains M Show, évidemment, c'est sans doute un de ceux qui a poussé le bouchon le plus loin, tout en restant le plus subtil. Et dans Victor Victoria, c'est tellement joli cette histoire d'amour, voilà, où on ne sait pas qui est la fille et qui est le garçon, que puis moi forcément ça me touche parce que ça raconte des choses que j'ai pu mettre dans des chansons ou dans les films de Christophe, et donc voilà, ça me plaît pour ça aussi. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. And we don't care that tomorrow comes with no guarantee. We've each other for company. And come what may, you and me will stay together. Me harmony. Year after year. Won't we, my dear? We'll always be you and walk this way. You and me, we're the kind of people. Here's a very difficult step. Whoa, such a fuss. Oh, yeah. We present the kind of picture people are glad to see. May I have this dance? Oh, I'd be delighted. We'll always be you and me. puts us on stage with our legs around each other, one in back of the other, and he says, "Okay, we're going to do improvisations. You're on a bobsled. It's snowing out, and it's cold. Okay, go." Every day for a week we would try to feel the motion down the hill. Every day for a week we would try to hear the wind rush, feel the chill. So I dug right down to the bottom of my soul to see what I had inside. Yes, I dug right down to the bottom of my soul and I tried. Everybody's going, whoosh, whoosh. I feel the snow. I feel the cold. I feel the air. Mr. Cock comes up to me and he says, "Okay, Morales, what did you feel?" And I said, "Nothing. I'm feeling nothing." And he said, "Nothing could get a girl transferred." They all felt something, but I felt nothing, except the feeling that this bullshit was absurd. So I said to myself, "Don't worry about it. It's only the first week. Maybe it's genetic. They don't have bobsleds in San Juan." Second week, more advanced, and we had to be a table, be a sports car, ice cream cone. Mr. Cock, he would say, "Very good, except Morales. Try Morales all alone." So I dug right down to the bottom of my soul to see how an ice cream felt. Yes, I dug right down to the bottom of my soul and I tried. Comes up to me and he says, "You know what, Morales? I think you should transfer to Girls High. You'll never be an actress. Never. Jesus Christ." Went to church, praying Santa Maria, "Send me guidance. Send me guidance on my knees." Went to church, praying Santa Maria, "Help me feel it. Up to the top of my head, and the voice from down at the bottom of my soul. Here is what it said: this man is nothing, this course is nothing. If you want something, go find a better plan. And when you find one, you'll be an actress. And I assure you, that's what finally came to pass." 6 months later, I heard that Carp had died. And I dug way down to the bottom of my soul and cried. 'Cause I felt nothing. C'est un choix d'Alex Baupin, un extrait de la comédie musicale Chorus Line, mythique comédie musicale de Marvin Hamlisch, créée dans les années 70. Mais alors, c'est incroyable. Donc c'est une chanson qui s'appelle Nothing. C'est une fille qui explique qu'elle était complètement nulle en cours de théâtre. Hein. Oui, c'est ça. C'est lors d'une audition. Et alors, vous avez choisi la version, une version non pas de Broadway, mais une version vous m'en voulez beaucoup, je du vois cinéma bien. Très synthétique, je dois dire. Ben oui, parce qu'on est dans les années 80, je crois que le film sort en 80. 5. Ouais, Richard Attenborough. Ouais, qui n'a pas fait beaucoup de films musicaux d'ailleurs. Et moi, je suis allé le voir à l'époque. C'est la première comédie musicale américaine que j'ai vue en salle, A Chorus Line. Et j'avais été très impressionné par. C'est à cause de ça que j'ai choisi cette version-là, qui effectivement, on est à l'époque où on met énormément de synthé derrière. parfois pour remplacer les cordes, ce qui n'est pas toujours très heureux, effectivement, mais bon, voilà. Mais moi, j'avais été très marqué par le film parce que je me rappelle que j'étais très content d'y aller, puis j'avais vu des bandes annonces et ça m'attirait parce que c'était le côté comédie musicale. Et j'avais pas imaginé que le film était aussi dur sur ce qu'il raconte, sur ce que c'est que de passer un casting, ce que c'est que d'essayer de percer, de réussir, ce qui y arrive, ce qui n'y arrive pas. Parce que c'est ça, en fait, Chorus Line, c'est un film d'audition, en fait. C'est des gens qui passent une audition pour faire Chorus Line, c'est-à-dire un rang de cœur, quoi, derrière, quoi. En plus, ça même pas être les vedettes c'est du spectacle, pas la vedette, quoi. Ouais. Voilà. Et je m'étais rendu compte à cette occasion, 85, j'avais donc 11 ans, je m'étais rendu compte que la comédie musicale permettait aussi de dire sur le monde du spectacle des choses très dures. Ce dont je me suis plus rendu compte après avec d'autres dont on va peut-être parler. Mais je me rappelle que ça avait fait le même choc chez moi que quand j'avais vu Autant n'importe le vent et que je m'étais rendu compte qu'une héroïne pouvait être quelqu'un de très antipathique. Et ça avait créé quelque chose chez moi qui, on dit toujours que le héros est gentil ou que la comédie musicale permet de raconter des choses un peu sucrées. Et c'est le genre d'exemple qui m'avait prouvé que non, et c'est là que je m'étais dit c'est encore plus intéressant que ce que je pensais. C'est drôle, à 10 ans vous voyez Chantons sous la pluie, plutôt oui. joyeux, et oui. à 11 ans... Vous voyez au Chorus Line. Mais ça m'ouvre, du coup, voilà, ça m'ouvre sur le fait de me dire que ce mode-là d'expression, il permet des choses. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Ah bah alors, pour le coup, le prochain choix que vous avez fait, la scène finale de All the Jazz. J'allais en parler, mais je pensais que vous alliez enchaîner là-dessus. C'est très très bien fait, cette émission. Que le spectacle commence. Bob Fosse, en 1974, vous avez choisi la scène finale. Mm-hmm. 8 minutes, qui se termine par un électrocardiogramme. On peut dire. Et c'est la mort d'un metteur en scène, mais qui part comme ça de façon assez flamboyante. C'est Roy Scheider, hein. Oui, qui joue. Qui joue un metteur en scène sous amphétamine, mais voilà, il est à l'agonie sur son lit d'hôpital. Et en fait, le film est une sorte de fantasme. C'est l'antagonie, en fait, réellement. Il revoit sa vie. Oui. Et c'est un film qui vous a marqué. Vous avez vu à quel âge, celui-là, alors? Plus tard, vers 13-14 ans, je pense plutôt à l'adolescence. Ouais. Mais le film est extraordinaire. De toute façon, il y a un truc chez Bob Fosse d'extrêmement. Alors là, c'est une dimension supplémentaire par rapport. Encore une fois, là, il raconte. Donc, c'est la comédie musicale qui réfléchit sur elle-même, c'est-à-dire sur le spectacle. Là, comme dans A Chorus Line, on est sur des choses beaucoup plus dures et beaucoup plus compliquées. On est dans les années 70. Et en plus, chez Bob Fosse, il y a une dimension sexuelle évidente dans la façon dont il chorégraphie les choses qui. Ouais, qui m'a forcément un peu touché ou un peu ému, et même plus que ça, quand j'avais 13 ans ou 14 ans. Et moi, j'aime ça chez lui. C'est très sexuel, la façon dont il fait danser ses interprètes. Et ça a été un grand inspirateur de Michael Jackson aussi, Bob Fosse, hein, qui l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé pour reprendre pour sa gestuelle. Et on le voit, il y a quelque chose d'à la fois très marqué 70 et très moderne qui me plaît infiniment chez lui. Alors, c'était un standard, Bye Bye Love, oui. des années 50. Mm-hmm. Et pour le film, Bob Fosse le transforme en Bye Bye Life. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness. I feel like I could die. Bye-bye your life, goodbye. Bye-bye my life, goodbye. Bye-bye your life, goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. His baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. la la la la la la la. Bye bye, my life. Oh yeah. Good bye. Et à la fin, il meurt. Un choix de Alex Baupin. Vous êtes bien sur France Musique, sur la 42e rue d'Alex Baupin. C'était un extrait donc de All the Jazz, le film de Bob Fosse en 1979. Et alors là, terre de contraste avec vous, Alex Baupin. Ah. Vous avez choisi Bourvil. Oui. Et alors là, on essaye de se demander pourquoi. Parce que c'est un vrai chanteur de comédie musicale, Bourvil, mais pas de comédie musicale américaine. C'est un chanteur de comédie musicale française. Il a commencé dans l'opérette, beaucoup, Bourvil. Il est dans Le Chanteur de Mexico avec Mariano. Il fait une opérette qui a un grand succès dans les années 50 qui s'appelle La Route Fleurie. Et j'adore quand Bourvil chante, moi, parce qu'il a une façon de chanter qui est très française. Ça vient d'une tradition de revue qui passe de Gabin en allant vers Fernandel, en arrivant vers lui, en fait. Et là, il chante avec Pierrette Bruno dans un film de KPDP qui s'appelle Le Capitan. C'est ouais. Ça que j'ai choisi. Je trouve que la chanson est formidablement drôle et en même temps émouvante. Enfin, il y a ça chez Bourvil, c'est que les chansons sont drôles, un peu désuètes, un peu ridicules parfois. Mais il arrive à insuffler là-dedans une dose d'émotion et d'humanité que je retrouvais pas chez un type comme Fernandel, par exemple, qui était un type beaucoup plus complexe et moins sympathique que Bourvil, en fait. Et moi, j'aime ça chez lui, en fait. Alors, j'essaie juste d'imaginer, c'est un film de 1960, donc oui. Le Capitan, c'est un film, c'est pareil, vous l'avez découvert à la télévision, et vous voyez qu'il se met à chanter. Voilà, c'est une espèce de film que faisait André Hunebelle avec Jean Marais, et Jean Marais avait souvent un valet de comédie, là, ouais. C'est Bourvil qui joue un personnage qui s'appelle Cogolin, je me rappelle très bien. Et tout d'un coup, effectivement, il est amoureux d'une petite soubrette qui doit être la bonne de la reine, peut-être, ou un truc comme ça. Ou de l'amoureuse de Jean Marais. Et tout d'un coup, effectivement, au milieu du film, ils se mettent à chanter. On peut voir ça sur YouTube, puisque maintenant on peut tout voir sur YouTube. Ils sont en costume, c'est formidable. Ils sont en costume. Et vraiment, lui, il a une perruque absolument monstrueuse avec une frange atroce. Et ils se mettent à chanter tous les deux. Et je trouve que le moment est très joli. Et en plus, je crois savoir que Pierrette Bruno et Bourvil avaient une petite histoire. Alors ça rajoute. Et vous étiez tombé sur le film par hasard, c'est le genre de film que vous aimiez regarder à la télévision. C'est le genre de film qu'on regardait, on était très KPDP aussi, on était très Jean Marais, on était très KPDP, qui n'étaient pas des films extraordinaires du point de vue cinématographique dans les années 60, tous les Capitaines Fracasse, etc. Mais oui, il y avait un truc comme ça, c'était une espèce de truc familial de regarder ces trucs-là. Et le fait que ça se mette à chanter en plein milieu, du coup, ça vous a encore une fois apporté plein d'idées. Ça me plaît toujours, moi j'aime ça quand tout d'un coup, c'est très français ça en plus, que tout d'un coup il y a une chanson, c'est ce qui arrive, mais même jusqu'à la Nouvelle Vague, c'est ce qui peut arriver chez bien sûr Truffaut dans Jules et Jim, quand on se met à chanter Le Tourbillon pour rien, comme ça, pour pas de raison. Et moi j'aime bien à la fois les comédies musicales qui réfléchissent au spectacle et où il y a une raison pour laquelle on est sur scène, un truc très crédible. Mais quand tout d'un coup c'est... Parce que je trouve ça formidable parce qu'il faut y croire, quoi. Il faut avoir une espèce de croyance dans le truc. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas, il y a des gens qui détestent ça. Les gens qui se mettent à chanter au milieu d'une scène véritable, quoi. Tu peux être ma jolie, du beau pays d'Italie. Je sais que tu m'as compris, hein? Si, si, si. Un petit mot tendre, même sans comprendre, en italien peut va si bien. Et quand je suis maladroit, pour te dire mon émoi, simplement on se sourit. Et ce langage est le message de notre cœur et du bonheur. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais en amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien tous les mêmes pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. En t'écoutant, j'ai appris en m'écoutant les jolis mots de Paris. Oh oui. Apprends un peu ce qu'on dit. Hein? Par ici. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Carino mio. Oh. Que tu sei bello. Oh. C'est mon coco. Que tu es beau. Vieni, vieni, vieni qui. L'arrête, j'ai compris. Ça veut dire viens ici. Hein? Si, si, si. Et sans attendre, soyons plus tendres, parlons enfin avec les mains. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais en amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien tous les mêmes pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Et la main dans la main, nous prendrons demain le même chemin pour se parler d'amour. La main dans la main, nous prendrons demain le même chemin pour parler si d'amour. Per parler, c'est d'amour. Pour se parler d'amour. Pour se parler d'amour. De vaillance, plie, de vaillance, c'est mes deux agents. Et talent, avec chaque danse, avec chaque danse, avec chaque danse, le double torse. Parmi le fracas immense des cuivres de saxe, c'est roi rempli de vaillance, plie, de vaillance, plie, de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux, les deux Ajax. C'est roi rempli de vaillance, plie, de vaillance, c'est les deux. Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon, le mire, le mire. Voici le bouillon, je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour il aide, qu'un jour il aide, qu'un jour il aide, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas, il m'est né, Ménélas. Le roi barbu, qui s'avance, bu, qui s'avance, bu, qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en lisant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, bu, qui s'avance, bu, qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu, qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu. Thank you. Ce matin, c'est Alex Baupin, compositeur, auteur, interprète, qui programme la 42e rue de France Musique, qui a choisi donc le couplet des rois, extrait de La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Oui, bah oui, parce que c'est un truc très familial. On adorait Offenbach dans la famille. Alors, dès que ça passait à la télé, on regardait. Moi, j'ai vu ça à l'Opéra Théâtre de Besançon quand j'étais enfant. Et je trouve ça réjouissant. Je trouve ça à la fois, pardon, je vais être un petit peu vulgaire, complètement con. Et extrêmement réjouissant, ne serait-ce que la façon dont le texte est découpé, le roi barbu qui s'avance, ce but qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Il y a quelque chose qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui et qui en même temps, voilà, ça vous emporte, Offenbach, c'est vraiment, c'est drôle, c'est vif, c'est écrit quand même, parce que la musique est extraordinaire, c'est très pop, je trouve, et vraiment, il y a pop, un truc. Ouais, c'est pop, parce que ça avance, quoi, il y a un truc, il y a quelque chose, il n'a pas besoin de batterie et de guitare électrique, mais ça avance quand même constamment, Offenbach, sur un rythme de marche, hein, mais il y a un truc comme ça que, moi, ça me réjouit, voilà. Je trouve ça réjouissant de bêtises assumées. Alors, c'était une version dirigée par Alain Lombard, l'orchestre de Strasbourg, avec Jacques Martin, notamment. Jacques Martin. Dans le rôle de l'un des trois rois. Ça vous donne envie, un jour, de composer pour un orchestre complet, comme ça? Non, ce serait compliqué. Je peux composer des choses, mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait quand même rester un peu dans ce qu'on savait faire, le plus possible. Il m'est arrivé d'écrire des choses qui sont retrouvées, transposées en orchestre, mais dans ces cas-là, j'ai des arrangeurs qui savent le faire et avec qui je le fais, quoi. Moi, composer pour orchestre, moi tout seul, je serais bien prétentieux. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et Alex Baupin, qui programme 42e rue et qui a choisi maintenant Michel Legrand. Oh là là. Vous étiez au 50e anniversaire des Demoiselles hier soir? Maintenant, je travaillais sur le spectacle que je fais là. Je l'ai vu faire les Parapluies de Cherbourg au Châtelet. Et déjà, je trouvais ça extraordinaire. Mais non, hier, là, j'y étais pas. Bon, c'est forcément un de mes compositeurs préférés, Michel Legrand, parce que c'est extraordinaire, là, ce qu'il a fait avec Jacques Demy. Et on a souvent dit, Christophe et moi, on faisait la suite, on faisait pas la suite, on essayait de faire totalement autre chose, mais si on a fait ce qu'on a fait, c'est parce que, justement, on a regardé tellement ça, on connaît ça tellement par cœur. Et donc, bon, il suffit d'écouter. De toute façon, c'est Cléo de 5 à 7 qu'on va écouter. Alors, vous avez choisi, oui, plutôt que 3 places pour le 26, oui, plutôt que les Demoiselles de Rochefort, plutôt que les Parapluies de Cherbourg, vous avez choisi un film d'Agnès Varda. Et donc, Corinne Marchand, cette jeune fille qui se croit atteinte d'un cancer, ouais, dont on suit la journée quasiment en temps réel, c'est une chanson qu'elle interprète dans le film, donc Cléo de 5 à 7. La chanson extraordinaire. Ouais. La chanson extraordinaire. Puis moi, j'ai eu la chance de faire un spectacle sur les chansons dans les films, où j'étais accompagné de Fanny Ardant et Camélia Jordana. Et j'ouvrais avec cette chanson-là, qui était chantée par Camélia Jordana, sur la voix de Fanny Ardant, qui disait le fameux truc qui est dit dans La Femme d'à côté. Toutes les chansons d'amour sont bêtes, mais non, elles ne sont pas bêtes, elles disent la vérité. Et je me rappelle d'avoir eu, moi j'étais spectateur, là, pourtant j'étais sur scène, mais je les regardais les deux. L'une qui chantait tellement bien, l'autre avec sa voix, et donc c'est un souvenir pour moi. Puis la chanson, il suffit de l'écouter pour savoir pourquoi on l'a choisie, c'est sublime. Toute porte ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi, belle en pure perte, nue au cœur de par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de vide sans toi, sans toi. Et si tu viens trop tard, et livide toi. Dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, grâce à Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez, vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. Il a vaincu une armée, tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Des gorilles qu'il protège de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc, c'est une super ménagerie. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnifique, il est charmant. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton. Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. Ici pour votre fille si jolie. Voilà pourquoi en cortège cet amoureux vous assiège. Alex Baupin, programme 42e rue, mais il n'avait pas choisi de passer ce titre, oui, qu'il chante pas lui-même. Choisi, moi, ouais. Là, c'est moi qui fais une reprise de Prince Ali. C'est un des trucs dont je suis le plus fier, je crois, d'avoir fait ça. Le dessin animé de chez Disney. Le dessin animé Aladdin est formidable. Alors, cette chanson est une chanson de comédie musicale extraordinaire, mais comme souvent chez Disney, il y a quand même des Disney, le Livre de la Jungle, celui-ci, les Aristochats aussi, qui sont d'extraordinaires comédies musicales. Je crois qu'Aladdin, ils l'ont adapté sur scène à Broadway, ouais, d'ailleurs. Actuellement, ouais. Comme Le Roi Lion, moi, je suis moins fou du Roi Lion et des chansons, même si Elton John, qui est un grand. Mais voilà. C'est marrant parce que vous avez pris une voix pas du tout à la Richard Darbois. Mais on peut pas. Vous avez pris une voix très Alex Baupin. Hein. Bah ouais, c'est-à-dire à partir du moment où je le fais, il faut que j'y mette un peu de moi. Je peux pas l'imiter, ce serait ridicule. Darbois qui est très très fort, qui est un grand doubleur, hein, Richard Darbois, et qui est très fort dans le truc, qui le fait formidablement. Non, moi, il fallait que je ramène ça à moi. J'ai un génie qui est un petit peu plus dépressif, peut-être, du coup. C'est ça, voilà. C'est la chanson du génie. Alex Baupin, mardi, vous créez à la Philharmonie de Paris Les gens dans l'enveloppe. Ouais. Est-ce que c'est votre première comédie musicale? C'est pas une comédie musicale, mais ça se rapproche de. Ouais, ça se rapproche d'un spectacle avec des chansons qui va peut-être m'amener pas à pas à assumer de le faire un jour sur scène, ce truc-là. Là, on est quand même sur le livre d'Isabelle, donc avec des gens qui vont lire, on va entendre des sons, il va y avoir des photos, il va y avoir des chansons, évidemment. Il y a pas mal de musiciens sur scène, dont un quatuor à cordes, alors je suis assez content parce que ça permet de faire quand même de la musique. Et c'est un spectacle, c'est pas encore une comédie musicale. Au départ, c'est un livre disque, c'est ça? Oui. Donc il y avait le livre d'Isabelle Monin, elle avait acheté sur internet, on sait, un lot de photos, et puis elle s'était amusée à écrire à partir de ces photos l'histoire de ces personnes. Une fiction, ouais. Une fiction, vous avez écrit des chansons, oui, qui étaient inspirées de la fiction. Inspirées de la fiction. À partir de là, comment on transforme ça sur scène? C'est-à-dire qu'il y a une deuxième partie. Il y a quand même des comédiens, vous aurez des comédiens. Bien sûr, j'ai Françoise Fabian, Clotilde M et Clara qui vont lire des extraits du livre, ouais. Et puis parfois les jouer un petit peu parfois. Et puis il y a surtout une deuxième partie au livre d'Isabelle qui est la partie où elle retrouve les vrais gens, les photos et où elle les fait parler. Et là, moi, j'ai la chance d'avoir eu tous les entretiens dictaphones qu'Isabelle a eu avec eux. et qui me permet qu'on entende leur vraie voix. Puis on les entend chanter aussi parce qu'ils ont accepté pour moi de chanter des chansons qu'ils aimaient bien dans le disque. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Des voix des comédiennes qui seront incarnées sur scène, des voix des vrais gens qu'on va entendre, des photos qu'on va passer également. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer parce que moi-même, j'ai eu du mal à le monter, ce spectacle. Comment on passe? C'est toujours compliqué dans les comédies musicales. Comment on passe du parler à la chanson, alors, par exemple? On fait des instrumentaux, par exemple. Il y a énormément. Non seulement il y a les chansons, mais évidemment, je me suis permis de mettre des musiques instrumentales pour accompagner les lectures, les voix des gens, etc. Donc il y a beaucoup de musique. Je suis très content de ça. Il y a beaucoup de musique dans le spectacle. Et vous êtes metteur en scène? Oui, je suis metteur en espace, on va dire. En scène, c'est un grand mot. Mais en tout cas, ils ont été assez gentils pour dire que je faisais la mise en scène. Ouais. C'est un premier pas vers ce que vous aimeriez faire, hein, une comédie musicale sur scène. Moi, j'aimerais faire ça, une comédie musicale sur scène. Je pense que quand je ferai une vraie comédie musicale sur scène, je m'associerai à un vrai metteur en scène, par contre. Parce que là, je peux encore monter ce spectacle qui s'apparente presque à un concert. Il ne faut pas que je dépasse mon domaine de compétences non plus, ce serait ridicule. On écoute un extrait des gens dans l'enveloppe. S'il vous plaît. Elle sera sur scène à partir de mardi à la Philharmonie. Françoise Fabian. Ah, super. Dans la vallée des Vals, depuis bien avant nous, l'eau qui gagne sur tout, ce n'est ni bien ni mal. Dès l'aube du premier jour, elle l'emporte toujours. S'étendre sur la table et se sentir friable, rêche comme une écorce. S'étendre sur la table et que le bois aimable use mes dernières forces. Toute nos vies, c'est ça, mouillée par une eau fraîche, et seule la mort nous sèche. Toute nos vies, pourquoi? Ça n'aura rien changé. Sur la table et se sentir friable, rêche comme une écorce. S'étendre sur la table et que ce bois aimable use mes dernières forces. Se sentir friable, rêche comme une écorce. S'étendre sur la table et que ce bois aimable use mes dernières forces. Dans la maison des M, on n'écoutait en revanche jamais de musique. Les seules chansons dont Michel se souvienne sont des chansons grivoises que chantait son grand-père les soirs d'ivresse. Black and cloudy skies. running up and down that hill. You turn it on and off at will. There's nothing here to thrill or bring you down. And if you've got no other choice, you know you can follow my voice through the dark turns and noise of this wicked little town. Has led you here. But they're so twisted up, they'll twist you up, I fear. The pious, hateful, and devout, you're turning tricks till you're turned out. The wind so cold it burns, you're burning out and blowing round. And if you've got no other choice, you know you can follow my voice through the dark turns and noise of this wicked little town. Junction City ain't the spot. Remember Mrs. Lott and when she turned around. And if you've got no other choice, you know you can follow my voice through the dark turns and noise of this wicked little town. Alex Baupin, programme 42e rue sur France Musique, et j'ai choisi de terminer par Neil Patrick Harris dans cet extrait de Edwige and the Angry Inch, la comédie musicale de John Cameron Mitchell. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aime Neil Patrick Harris, je trouve que c'est un garçon extraordinaire, tant comme comédien que comme chanteur et comme performeur, voilà. J'en suis dingue. Voilà pourquoi. Et puis j'aimais beaucoup le film aussi. Et moi j'ai raté. Ça parle encore de genre. Ça parle encore de quelque chose de confusion des genres. Et moi j'aime bien ça, ouais. Et voilà pourquoi. C'est pour Neil Patrick Harris principalement. Merci Alex Baupin. Bonne chance pour votre première création. Les gens dans l'enveloppe, c'est mardi, mercredi, jeudi à la Philharmonie et sur la page de 42e rue. Eh bien, vous retrouverez très vite la programmation d'Alex Baupin. Vous pouvez nous écrire aussi ou commenter l'émission avec le hashtag 42 rue et sur la page de Facebook de 42e rue. Vous y étiez, 42e rue, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin autour de moi Xavier Attaud, Emmanuel Dupuis et à la réalisation Perrine Mingui. Bonne journée Alex. Bonne journée à vous. Rideau. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.